À Denis qu'il y a le camion qui gêne. Yes, we can. C'est tout belle. Nous sommes. Bébé. Baby. trop de mesures là. Something I can do but not before. I must sit up in the soup, walk into the waffle woods, and waking up distant fate, an overlapping snow. Qu'est-ce tu prends, mon ami? Qu'est-ce tu prends, mon ami? Ça finit toujours par Babylone. Oja, Oja Rastafari. Moi, soupe, à peste, tight. And I'm warm as spin, I'm on a back at the bar, I'm at the table, I'm by the kiss to form, and I'm the sweet to come on my line, and I'll be about to say, I'm on my bed, I feel my legs taking off, this to free, I'll be pop, us to be, but I'm gonna stay counting, bravas out the night. Oh, baba, juste la basse, mais moi je sais pas jouer la basse. Ouais, ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ouais, bah, je vais vous trouver un petit test. Ouais, c'est du monde, madame la master, tu donnes ma pécane, ouais. Il manque une basse. Je vais en prendre la basse. Je cherche un texte dans quelques secondes. Allez, il est où mon texte? Après la publicité, comme d'habitude, derrière, n'oublie jamais ça quand tu... Putain, c'est plein de publicité leur truc. Oh là là là là. Ok. Y'a pire ailleurs, n'oublie jamais ça. Quand tu flippes du nord au sud jusqu'à l'ouest de l'Afrique, des peuples entiers luttent contre leur système politique. Ils les censurent et les enferment à la moindre critique. Ils les censurent, y'a plus rien, y'a plus de basse. Ma basse, ouais, est-ce qu'on entend ma basse? J'arrive pas à faire la basse et j'entends même. Bassiste. Alors tu fais listen to me and play what you want. Quel que soit ton problème, là-bas les enjeux ne sont pas les mêmes. Je dis qu'ils ont des conditions humaines, mais dans nos écoles jamais on ne nous l'enseigne. Alors j'ai pas besoin de jouer de la basse. Y'a pire ailleurs, n'oublie jamais ça quand tu pleures. Du nord au sud jusqu'à l'ouest de la cour. Come on, Denis. Ailleurs, n'oublie jamais ça quand tu flippes. Du nord au sud jusqu'à l'ouest de l'Afrique. Les peuples entiers luttent contre leur système politique. Ils les censurent et les enferment à la moindre critique. Y'a pire ailleurs, quel que soit ton problème. Car là-bas, les enjeux ne sont pas les mêmes. Je dis qu'ils ont tâté à la condition humaine, mais dans nos écoles, jamais on ne nous l'enseigne. Il manque une petite guitare, Rasta. Allez, petite guitare. Les saintes, c'est pas mal. N'oublie jamais ça quand tu flippes. Du nord au sud jusqu'à l'ouest de l'Afrique. Les peuples entiers luttent contre leur système politique. Ils les censurent et les enferment à la moindre critique. Y'a pire ailleurs, quel que soit ton problème. Car là-bas, les enjeux ne sont pas les mêmes. Je dis qu'ils ont tâté à la condition humaine, mais dans nos écoles, jamais on ne nous l'enseigne. Non, non, non, non, oh. Wapapapapé, oh. Alors l'activiste un peu prend le temps d'ouvrir les yeux sur les problèmes qui secouent l'Afrique. Quelle solution s'offre à eux quand un président au pouvoir depuis plus de 40 ans raquette son pays appuyé par les grands chefs d'Occident. Mais le vent doit tourner, l'Afrique à son tour va sortir les dents pour contrer ceux qui ont inventé le sous-développement. J'essaie de faire du synthé. Thank you. We'll be right back. I'm going to serve the woman on fire. I will see but I'm on the one day. I'm to the seat on the one to fire. And I will serve the woman on fire. We can serve the world. Et on va arrêter. Yeah.